Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter cette risala. Il l'a écrit Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah pendant la fitna des Tatars. هذا العدو المجرم qui a envahi plusieurs pays de musulmans à Tatar. Cheikhoul Islam, il a écrit cette risala pour motiver les musulmans. Il a écrit cette risala pour montrer أن ما وقع لهم أي ce qui est arrivé à l'époque de Cheikhoul Islam, c'est arrivé à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. ونحن cette épreuve qu'on vit مع هؤلاء الأرفاض الخبثاء الضلال فمن هذا الباب من هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى يبخب سعباد يبخب أهل الحق بهؤلاء المجرمين فمن المهم أيها الطالب في هذا الحال c'est que tu saches comment le prophète عليه الصلاة والسلام s'est comporté. Tu saches أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده في هذا الحال أيها الطالب tu dois placer ta confiance en Allah عز وجل وحده. Une suite de cours donnée par le frère Mounir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bidammaj au Yémen. Cours numéro 3. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال الله تعالى ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا فلا يزال الكلام حول صفات المنافقين في غزوة الخندق الأحزاب قال شيخ الإسلام وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون والناس مع النبي صلى الله عليه وسلم عند سلع أي تحت الجبل هذا قال داخل الخندق أي إذا تعالى أنت غير الخندق الجبل وراءهم قال والنساء والصبيان في آطام المدينة أي l'endroit réservé pour les enfants et les femmes des refuges. قال يا رسول الله قالوا يا رسول الله إن بيوتنا عورة أي مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل. Ça commence, Cheikh l'Islam, il commence à citer les excuses des munafiqs. إن بيوتنا عورة. Allah subhanahu wa ta'ala il a répondu وما هي بعورة. Alors, si tu te poses la question, est-ce qu'il n'y a que les munafiqs qui ont des femmes? Là. Al-Rasoul sallam, il a plusieurs femmes. Est-ce qu'il n'y a que les munafiqs qui ont des enfants? Là. Al-Khandaq, il est malien, les sahaba, ils sont mariés, ils ont des enfants. Lakin, hakada, ahl al-jubn wa nifaq. Ils ont un marad. Ils ont un marad. Et ils essayent de trouver des excuses. Bouyoutana aura, ay makshoufa. Ay nos maisons, ils sont makshoufa, ils ne sont pas protégés, on doit retourner. Abadan. Les femmes et les enfants, ils sont dans des refuges sûrs. Ma baqiya li haula illa al-qital wa al-difa' 'an al-anfus. Lakin al-marad wa al-'iyad billah. Qala Sheikh al-Islam, qala Allah Ta'ala wa ma hiya bi'awra. Li'anna Allah Ta'ala yahfadhuha. Na'am. Al-an ils ont fait les asbab. Les asbab c'est de placer les femmes et les enfants fi hadhihi al-maladi, dans ces refuges. Al-an ma baqiya illa at-tawakkul 'ala Allah. Amma ses excuses ba'ida. Et la personne, son but, c'est de la fuite. C'est madhmoum, comme a dit l'islam. Il les a appelés madhmoumine. Naam. Wa kana qawmun min haula al-madhmoumine. Qala, Cheikh l'islam. Qala, fahum yaqsidouna al-firar min al-jihad. Wa yahtadjouna bi hujjat al-a'ila. هذه الحجة المنتشر حجة العائلة la famille femme enfant وهم قصدهم c'est le firar لا يجوز الفرار في هذا الحال أبدا la personne qui a un ضعف يدعو الله il aide comme il peut أما des excuses باردة le قصد c'est la fuite à cause d'un cœur malade والعياذ بالله هذا لا يجوز. Et vous allez voir, on va lire la suite. أن الله سبحانه وتعالى il va leur montrer أن الفرار ça va pas les préserver de la mort. أبداً. Tu vas te sauver où? La mort, si elle doit venir, elle viendra. L'essentiel, via del hal, préserve ton dit. Et le fait de fuir amam al-adou, khasatan si c'est adou, il attaque bilad al-islam et la personne, il est via del bilad, la yajouz al-fira. La yajouz. La personne, il fait tous les asbab pour protéger femmes et enfants, et les hommes adultes, yatawakkaloun al-Allah, et yudafi'oun al-anfus. قال شيخ الإسلام وهكذا أصاب كثيرا من الناس في هذه الغزاة أي هذه الغزوة أي مع التتار ils ont entendu les mêmes paroles. قالوا صاروا يفرون من الثغر. الثغر c'est le front, les matares, tout ce qui est dans le front. الثغر الجمع الثغور. قال إلى المعاقل والحصون أي les maladies, les endroits protégés. Ils délaissent le front et ils prennent la fuite, ils se dirigent vers Al-Husun, les maladies, les endroits protégés. Et ils délaissent le front. Celui qui a le Qudra, khasatan si l'adou veut attaquer, il faut protéger le front. Hatta ils n'avancent pas. Mais tout le monde recule, là chacun d'eux ils vont avancer. قال شيخ الإسلام وإلى الأماكن البعيدة كمصر. Hatta بعضهم ils voulaient fuir à Misr. C'est même pas, il recule Qalil. Là, il a Misr. T'as la Syrie où que ça? Ou à Misr, c'est où? C'est au sud. Il y a des centaines de kilomètres. Qala wa yaqulun ma maqsouduna illa hifz al-iyya. C'est ça la hujja. Notre but, c'est de préserver nos familles. Qala wa ma yumkin irsaluhum ma ghayrina. Ça, c'est pas sahih. Ça, c'est pas sahih. Ils ont une possibilité. Il achète de l'amr, c'est d'envoyer leur famille ma'a mahram. Amma hum la, ma yumkin. Personne peut voyager avec ma famille, illa ana. Son qas c'est de fuir. Qala shaykh al-islam, wa hum yakdibouna bidhalik. C'est des menteurs. Qala faqad kana yumkinuhum ja'luhum fi husn dimashq laudan al-adou. Voilà, Cheikh l'Islam dit que c'est des menteurs. Les Anna, au lieu de penser à la solution, on les envoie en Égypte. C'est loin, il faut que c'est moi qui les accompagne. Cheikh l'Islam, il a une autre solution. Tu les mets dans le refuge qu'ils sont fait Dimashq, la capitale de la Syrie, où qu'ils étaient Cheikh l'Islam. Ils avaient fait des refuges pour femmes et enfants. Fayumkino, hadal jamal, de prendre sa famille et ses enfants et les placer dans ces refuges. Kwantaha l'amr. Et huwa yatawakkal ala Allah. لكن لكير ديك سومالاد نسال الله العافيه قال فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن دمشق لو دنا العدو حتى تامل الافقاد شيخ الاسلام لو سي لينمي لابروش سي لابروش با ان شاء الله ما فيش سي لابروش فام اي انفون اي يا دي ريفوج ا في دمشق ا دمشق دي ريفوج اي Les adultes, ces hommes, ils combattent. Ils n'ont pas approché encore. Il n'a pas pris la solution la plus simple et la plus prolifique pour lui et les musulmans. Il est placé à Dimashq. Hatta lui, il peut combattre. Là, ils prennent des solutions. Et la fuite, il prétend que c'est pour sa famille. C'est où? C'est lui. C'est où? Tout c'est sur la famille. حتى هو يفابارد كي لا با فيبلس لا يجوز هذا قال كما فعل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يمكنهم ارسالهم والمقام للجهاد فكيف بمن فر بعد ارسال عياله صحيح شوف الله كما ابتلى العباد شيخ الاسلام يموت وقد كان يمكنهم ارسالهم Ils avaient une autre possibilité, si vraiment ils ne veulent pas placer leurs femmes et les enfants dans ces refuges à Fédimash, il a peur, il se dit l'adou, il va rentrer, il envoie sa femme et ses enfants. Il envoie sa femme et ses enfants, avec un mahram s'il trouve. Et il les envoie à Misr, dans un endroit où il n'y a pas la guerre. Hada, ça c'est une autre solution. Cheikh l'islam il dit, vu que ha'oula leur qasd c'est bal haq, il a envoyé sa famille et ses enfants. Donc c'est bon, l'excuse qu'il avait, Al-An, il a trouvé une solution. Tumma اشتد الامر لويمامي سيسوبي الله سبحانه وتعالى يفضح الكذابين لان ستو بيرسون الان سي با فري سيتي با فامي انفون كي اي بونسي ا سوفي فقط اي فولي سوفي لوي كذلك فلهذا كونت اي انفوي سا فامي سيز انفون اشتد الامر il avait plus d'excuses lui-même il s'est sauvé نعوذ بالله من الخذلان فلهذا la personne في مثل هذه الفتن il fait très attention à ce صدق مع الله pas rien à prouver à personne من البشر t'as une faiblesse ادعو الله ta capacité c'est de faire telle chose fais telle chose ادعو الله اما vouloir montrer que la personne il peut faire telle chose et il veut se montrer devant les gens قد يفضح لأن الآن tout ce que Cheikh l'Islam il raconte c'est l'ibad عظيمة c'est le jihad contre le kuffar tu combats pas pour ton nefs l'an il n'y a pas de profit fait de donner à des bénéfices d'argent ou abadan إلا يشاء الله غنيمة لكن المقصود الأصلي المقصود الأصلي c'est كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل لإعلاء كلمة الله هذا فلا personne يصدق مع الله il fait des efforts et Allah subhanahu wa ta'ala il est karim celui qui fait des efforts celui qui veut le haq celui qui même s'il a une faiblesse Allah يوفقه إذا اشتد الأمر الله يوفق ما يدري إلا c'est passé et il a réussi à tenir لكن هؤلاء ils ont un مرض هؤلاء leur but c'est pas de défendre l'islam أصلا هؤلاء leur but C'est si un profit de dunya. Il achète de l'amour, tu les vois plus. C'est des munafiqoun. Dans leur cœur, il y a du shirr. Qala, Cheikh l'Islam, Thumma qala ta'ala, Wa laqad kanu ahadullaha min qabl. La yuwallouna l'adbar. Wa kana ahadullahi mas'oula. Pourtant, ha'oula, ahadullah. Et ils ont promis qu'ils ne feront jamais demi-tour. Allah les a éprouvés, ils ont fait demi-tour. Ça montre qu'un insan la yukthir min al-kalam. Je vais faire. Ma tadri. Tu sais pas, hada al-qalb, idha ishtadda al-amr, comment il va être. Ma tadri. Rubbama des fitan, t'as jamais vécu, ou rubbama une situation, tu l'as jamais vue. Allah yabtalik biha. Tu reviens à Allah. Sta'in billah. C'est afdal. Wa alaykoum salam. Amma, je vais faire, ma tadri. خاصه لا بيرسون سي دي با ان شاء الله سي دي با باذن الله بعض الناس يغترون بالقوه بالكثره حتى يفضحون تامل هؤلاء ولقد كانوا عاهد الله ايزون برومي انهم يتورن با لو دو قال عز وجل ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا مالغري تو سا ايزون فما ما ذكره شيخ الاسلام قال رحمه الله وهذه حال أقوام عهدوا ثم نكثوا أي زغوبوا leur عهد ils avaient promis qu'ils tourneraient pas le dos et ils ont tourné le dos قال قديما وحديثا في هذه الغزوة فإن في العام الماضي الآن يغاكونت مع التتار في العام الماضي وفي هذا العام في أول الأمر كان من أصناف الناس من عاهد على أن يقاتل ولا يفر حتى لبوك شغل الإسلام إذا برومي أنا أوسيا كذا أنفافير قال شغل الإسلام أن يقاتل ولا يفر ثم فر الفرار سلفي قال منهزما لما اشتد الأمر C'est pour ça que la personne d'Aiman, il demande à Allah salam wa l'afi. Ha'ula al-an, ils ont appliqué le qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, La tatamannaw liqa' al-adu, was'alu Allah al-afi. Wa idha laqitumuhum fasbiru, ou fathwatu. C'est ça le qawl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aïe, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te montre, dès qu'il n'y a rien, là, tu sais le kalam, je vais faire siya, mais t'adri. La personne il reste calme et il demande à Allah salam. Yana, tu ne sais pas si Saad où il vient, comment tu vas réagir. Si Allah est qadr annahu, il vient à été pro, tawakkal ala Allah. As-sabr wa thabat, comme qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma haoula, ils ont inversé haoula qu'ils ont une maladie l'an. À l'époque du prophète et à l'époque du l'islam. Anna qabl al-adou, ils parlent. S'ils viennent, on va faire. S'ils viennent, Allah il les a éprouvés, c'est eux qui ont pris la fuite. Mukhalafat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tadur. Bal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrih. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هؤلاء الآن يصادخ الفتنة أو العذاب. شكي الصصوبوا. ما يفتنون في دينهم أو يعذبون. سي ولي الأمر يبلي سانكشوني بها. كيف تفر إتو لست تفخى. هذا. هذا فلا سوليسيون سي با لا فيت أبدا. La solution, c'est pas la fuite. Il y a des cas, des situations dans ta vie, il faut pas fuir. Tasbir. Et aujourd'hui, tu es en difficulté, demain, mais il est là la facilité. La fuite, qu'est-ce qu'elle va t'emmener? Illa nadam. Que des regrets. Tellement que tu regrettes, la personne yertad, wa l'ayadu billah. Comme c'est déjà arrivé dans l'azman al-qadim. شيخ الإسلام ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت والقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا الله سبحانه وتعالى إلى موت خير في سورة الأحزاب أن الفرار لا ينفع قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت والقتل si tu te sauves, ça veut pas dire que tu mourras pas et tu te feras pas combattre أبدا كم من الناس في حال الجهاد se sauve, il meurt sur la route كم من الناس il se sauve dans un autre pays. Le pays où il s'est sauvé, il a attaqué Ba'd. Et lui, il est dedans. Là, il me fait un adam. Abdel. Qu'al shikhu l'islam, fa akhbar Allah, anna al-firar la yenfa' la min al-maut, wa la min al-qatl. Wallahi, anna hadhi al-huroub, si Allah il a qadr que tu mourras pas, ce harbi t'emmènera pas la mort, abdel. Le harbi, il ne change pas le qadr, abdel. La chaque année, il y a des asbabs que, probablement, il y a plus de personnes qui meurent dès qu'il y a un harb. Lakin, anta, si tu places ta confiance en Allah, et tu as une aqidah ferme, fi qadar illah azza wa jal, Allah, il a qadr, comme dans le hadith ibn Mas'ud, tu étais dans le ventre de ta mère, anna ajaluk, c'est telle date. Le harb, il n'avancera pas, abadan. Abadan. La personne qui a cette aqidah, il tawakkal ala Allah. Si je dois mourir cette année, ce jour, je mourrai. Si je ne dois pas mourir, Allah subhanahu wa ta'ala, il a qadr que la personne ne mourra pas dans cette fitna. Qala, wa harfulan, ça c'est fa'ida, mon cher l'islam. Wa harfulan, ay, qawluhu, qul lan yanfa'akum. Ta'ammal, Allah subhanahu wa ta'ala, fi hadhihi al-aya, il a cité harf lan, lan yanfa'akum. Qala, wa harfulan. ينفي الفعل في الزمن المستقبل والفعل نكرة والنكرة في سياق النفي تعم جميع أفرادها فاقتضى ذلك أن الفرار من الموت والقتل ليس فيه منفعة أبدا فإن منفعة فإن فإن غرام لأن الله عز وجل قال قل لي ينفعكم نعم ساس من سياق العموم أي أكن نفع لا في الدنيا ولا في الآخرة Là, fait dunya ou là, fait l'akhira, il n'y a aucun profit de fuir pendant le jihad. Abadan. Bel, c'est, comme on a dit, c'est nadam. C'est nadam, c'est une marsiya, c'est une kabira, min al-kabair. At-tawalli yawm al-zahf. C'est une kabira. L'an al-adou, il veut attaquer la personne, il fuit. Kadhalik, c'est de l'égoïsme pur. Quand tu pars, tu arrives à trouver un tariq, et Allah, tu t'es sauvé, et tes frères. كيف تعذب بعد؟ كنت سوفي تنتظر فخير فلان قتل فلان جرح اشتد الأمر تتعجب من هذا القلب ونسأل الله العافية. لا بيرسون في الحقيقة يدمن توجور الله كي لو بريزون. أنا شو با لابغي وأنت تي با لابغي من هذا. قال وهذا خبر الله الصادق فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله في خبره. هذا الآن سأبت بوسي أن يغفر العقيدة لخطيرة جدا celui qui pense qu'il y a une منفعة la fuite celui qui pense والعياذ بالله qu'il y a une منفعة شيخ الإسلام يمنطق أنه كأنه يدمن كلام الله لأن الله قال قل لا ينفعكم هو يpense qu'il y a une منفعة la personne في هذا الحال il doit revoir son قلب et sa عقيدة الله il a dit لا ينفعكم c'est qu'il n'y a aucune منفعة في الفرق فالثبات الثبات ثبات الثبات et la personne il revient au Coran كلام الله tu peux trouver comme a dit la Hams des proches de ta famille ou des amis ou des juhal il t'appelle et il te fait croire qu'il y a une manfa'a il faut que tu préserves ta famille il faut que ça يا أخي أنت un sunni أنت في هذا الحال الآن tu reviens كلام الله tu reviens sunna de Nabi et tu lui expliques qu'il n'y a aucune manfa'a abadan abadan t'es un musulman t'es opprimé via dal hal t'es madlon et la faute c'est هذا العدو c'est lui qui est en faute c'est lui amma qu'est-ce qu'ils ont fait al muslimoun al madloumoun ils n'ont rien fait ils sont fi halihim talabat al ilm et هذا العدو il veut du char sallallahu yakfina bima sha sallallahu yakfina bima sha تجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن sur l'islam. Il va montrer l'expérience qu'il a vécue, ça confirme ce qui est cité dans le verset. فقال قال فإن هؤلاء الذين فروا هذا العام, ceux qui ont pris la fuite l'année où le Cheikh l'islam ils ont subi le blocus par les Tatars. قال فإن هؤلاء الذين فروا في هذا العام لم ينفعهم فرارهم بل خسروا الدين والدنيا. Cheikh l'islam il les connaissait. Ils ont eu des informations. On a tous ceux qui ont pris la fuite, un groupe, ils ont perdu Ad-Din ou Ad-Dunya. Léan Allah subhanahu wa ta'ala parle qu'on l'a yam fa'akum. Il n'y a aucun profit. Ils ont pensé qu'il y a un profit, ils se sont sauvés. Ils ont eu des khabars, ils n'ont rien gagné. Ils ont perdu Ad-Din ou Ad-Dunya. Wal'ayadu billah. Parle sur l'islam, bel khasiru Ad-Din ou Ad-Dunya. Wa tafawatu fil masa'ib. Ils ont eu des. Kullu wahad min hawla, ils ont été atteints par une catastrophe. كل واحد قال والمرابطون الثابتون نفعهم ذلك في الدين والدنيا أما المرابط celui qui restait ثابت في الثغر au front s'il était au front أو في الميمنة s'il était الميمنة أو هكذا l'endroit qu'il avait il est resté ثابت هذا il a profité في الدنيا وإن شاء الله il profitera في الآخرة قال شيخ الإسلام نفعهم ذلك في الدين والدنيا حتى الموت الذي فر منه كثر فيهم شوف حتى الموت. Ha'oula qui se sont sauvés, ils voulaient se sauver de la mort, fait le haqiqa. Là, ils ont pensé, khalas, les Tatars ils vont rentrer, ils vont tuer tout le monde. Ils ont pensé que se sauver, ça va les épargner de la mort. Hatta ha'oula qui se sont sauvés, beaucoup d'eux ils sont morts. Ce qu'ils ont voulu éviter, ils sont tombés dedans. لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الله il est khabir الله il est hakim. Il a dit à ses ibad ne te prends pas la fuite, il n'y a aucune manfa'a, je te slim les hadha khabar. T'as un ضعف, passion, demande à Allah il te facilite, Allah il te facilitera. Amma la solution al firar, et la personne il s'entête et dans nous هذا il est à la khatar. قال وقل قال حتى الموت الذي فر منه كثر فيهم وقل في المقيمين. Hatta Cheikh l'Islam il fait une comparaison. Il y en a ceux qui sont restés, ceux qui sont partis, sont sauvés. La mort elle a touché plus ceux qui se sont sauvés. Pourtant là ils sont au front. Ceux qui étaient au front, Obama, il y a eu deux morts, trois morts. Ceux qui sont sauvés, Obama, dix d'entre eux ils sont morts. Tu t'es sauvé d'une chose et cette personne il est tombé dedans. La personne tawakkal ala Allah il est resté. M'affiché. Il va avoir un nasr fi dunya bi idnillah et في الآخرة لقى أجر عظيم سيمر على التوحيد celui qui est mort لأن لا شك أن بعضهم ils sont morts بإذن الله il est mort شهيد et il est à la خير. Dans les deux cas il est à la خير. Celui qui a fui dans les deux cas il est في شر. Dans tous les cas هو il est في شر. لا دام إلى غير توب إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى الله يتوب على عباده. لكن ما تدري est-ce que cette personne يوفق للتوبة ما تدري. قال لم يمت منهم وقل في المقيمين فما منع الهرب من شاء الله. أي la fuite elle a pas préservé cette personne من قدر الله. الله il avait قدر أن فلان va mourir tel jour. T'es au front ou t'es dans une ville où il y a la paix, tu mourras tel jour. قدر الله سبحانه وتعالى. Ils ont voulu fuir من هذا ملك الموت il est venu. قال والطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم أحد ولا قتل. L'époque de l'islam, cette période quand haoula ils se sont sauvés, certains, beaucoup d'entre eux ils sont morts. Ceux qui sont restés cette période ولا أحد, pas un d'entre eux qui est mort. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'al ma yasha. Ça te montre أن ce que font al-ibad c'est des asbab فقط. تفضل. Ce que font al-ibad c'est des asbab. C'est des asbab. والله ولو واحد يجتمعون ما أدري كم كما جاء في الحديث ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا يفلت تجوي سي الله إلا قدر تجوي مو قبر هذا سي الله إلا قدر أن لا بيرسون يمور ربما يمور دون سون فراش. كم من الناس إلا أوبا ني غير ني غير من هذه الأمور يمور هكذا يسالونج يسغبي. فالتوكل سي مطلوب. قال بل الموت قل في البلد من حين خرج الفارون وهكذا سنة الله قديما وحديثا. بل شيخ الإسلام يرابط كونت هؤلاء les cœurs malades ils ont pris la fuite la mort, le taux de mortalité a baissé jitten fi عند هؤلاء في الشام اي وكده تشغل الاسلام le taux de mortalité l'a baissé du dedans لان الفارون ils sont partis هذا وهم عندهم le taux de mortalité l'a augmenté جدا ثم قال تعالى واذا لا تمتعون الا قليلا اي ceux qui ont pris la fuite واذا لا تمتعون الا قليلا même s'il y a un neuf alors qu'il n'y a pas de neuf لأن الله عز وجل قال قل لا ينفعكم يا أكنم لكن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا لا تمتعون إلى قليل même si tu prends la fuite tu penses qu'il y aura un نفع ce نفع il sera minime مع أن لا يوجد نفع لكن c'est من باب التقدير pour montrer à ces personnes أن الفرار يا أكن فائدة قال يقول أي الله سبحانه وتعالى لو كان الفرار ينفعكم لم ينفعكم إلا حياة قليلة ثم تموتون فإن الموت لا بد منه ولو سيافين منفعة سيسمين منفعة منهم شبا بيبغ كم après cette fuite 10 ans 50 ans 30 ans ثم تموت ثم الحساب tu rendras des comptes si la personne ne fait pas توبة هذا مع هذا نحن نكوخ من الآية أنه لا منفعة أصلا لكن هذا من باب التقدير قال شيخ الإسلام فقال قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فصدوية عقيدة شك مسلم خاصة عند هذه الفترة قل من ذا الذي يعصمكم من الله كي سي كي va préserver si Allah il a décrété qu'un mal te touche من لا أحد Si Allah il a décrété que tu tomberas malade, prends le ilage que tu veux, fais attention comme tu veux, t'auras ce marab. En prenant les esbabs, bien sûr, il y en a la personne, tu ne sais pas ce qui est écrit pour toi. Tu prends les esbabs, aslan. Mais ce qui doit te toucher, ça te touche. Comme les nas, ils font attention, ils tombent malades. Comme les nas, ils font les esbabs pour ne pas faire d'accident, ils font un accident. لأن الله عز وجل قال قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة كذلك si Allah il veut une rahma pour toi il veut te préserver il veut te donner la bonne santé ولو des personnes ils font les esbabs pour te faire du mal tu resteras على خير قال شيخ الإسلام ونظيره قوله في سياق آية الجهاد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة هذه سين تسلية للمؤمن الحقيقة. آيات من تدبرها في الحقيقة سلابز في هذه الأيام. أو كتُسوى. أين جبت صوبي؟ الله سبحانه وتعالى الآن إذا دنا الإكزامب البروج. تعلمون البروج، les étoiles ou les astres. Voilà où la personne s'il arrive à fuir هناك. Si la mort elle doit venir, elle viendra. قال وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أي الجهاد. أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير هكذا قالوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا أي ساسا القول كما سيتي الله سبحانه وتعالى قول الكفار كيس كيدي إذا ضربوا في الأرض أي سي certains de leurs frères ils vont combattre قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا si ils seraient restés avec nous ils n'auraient pas été tués لا هذا c'est pas صحيح هذا c'est pas صحيح هذا c'est ce قول الآن de هؤلاء الكفار il est fondé sur leur mauvaise عقيدة لأن الموت لا فرار من الموت هذا c'est سنة الله في خلقه الله il a décrété أن فلان يموت il sort في الجهاد il va au front il reste chez lui le موت il viendra quand الله سبحانه وتعالى il l'a décrété فمضمون الأمر أن المنايا محتومة المنايا سجمع المنية سالأجل الأجل أي الموت أي سمحتوم سون شوز سكلاسي سفيني خلاص ني تافونس ني تو روتارد سدي شوز محتومة مضبوطة مكتوبة مقدرة من الله سبحانه وتعالى فلا بيرسون celui qui il réfléchit trop via dal amr et il pense trop peut-être que je veux mourir demain il yataab nafsa c'est quelque chose mahtoum maktoub هذا الحال استسلم لله سبحانه وتعالى انت fais les efforts l'essentiel c'est pas est-ce que tu vas mourir amla là tout le monde va mourir l'essentiel انت tu fais des efforts de mourir ala al khair مغيق على الخير، مغيق على عقيدة صحيحة، على ثبات، على عدم فرار، على عدم معاصي، على عدم سوء الظن. Tout ça, si tu meurs à هذا الخير, بإذن الله لا فرصل. Tu mourras, si tu meurs pas dans cette guerre, tu mourras après. Voilà, si tu meurs pas dans cette guerre, ça sera probablement après. Dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques années. Ah là, tout le monde y passera. L'essentiel, c'est de mourir à la khayr. Comme l'an, si tu viens voir, comme minan nas, ou al-iyadu billah, mais nous, la fitna qu'on vit, on est à quelques frères qui ont été tués, rahimahumullah, sallallahu subhanahu wa ta'ala, et yarzuqahum shahada. Regarde les sondages, l'alcool, combien tu vis, l'alcool, ça t'a'ajib. Mais nous, l'an, en deux semaines, trois semaines, quelques frères, faqat, walhamdulillah. Regarde les statistiques, les trois semaines, combien ils sont morts avec l'alcool, combien ils sont morts avec la drogue, combien ils sont morts, wal'ayadu billah, assassinés, combien ils sont morts, hadhi l'umour. Tu vas trouver des milliers de jeunes, et ils sont morts à la shirr. Nous, cette fitna, alhamdulillah, elle dure pour l'instant, et quelques personnes, faqat. C'est hifd min Allah. حفظ من الله عز وجل الموت il arrive والله بعض الناس الآن يموت والعيد بالله il est saoul il est drogué بعض الناس يموت pour dunya بعض الناس il se suicide انت تي على خير s'il arrive quelque chose بإذن الله c'est حقيقة c'est une bouchera لك si la personne il est sincère. ثم قال أو ما انتهينا. قال فمضمون الأمر أن المنايا محتومة، فكم من حضر الصفوف فسلم، وكم من فر من المنية فصادفته. صحيح. كم il a expliqué auparavant. كم من الناس. Il est resté au front ولا شيء. الله il a pas écrit qu'il allait mourir. Il est encore vivant. Il est resté vivant après هذه الفتنة. كم من الناس. Ils ont pris la fuite. Ils voulaient sauver de la mort. وقع فيما خاف منه. ملك الموت اللي بنو الشخص. قال كما قال خالد بن الوليد لما احتضر لقد حضرت كذا وكذا صفا وأن ببدني 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. هذا المجاهد هذا الصحابي الجليل خالد بن الوليد 80 blessures sur son corps. Il a reçu des flèches ou des coups d'épée ou... تعلمون خالد il est toujours في المقدمة. Toujours في المقدمة. إما سي أمير الجيش إما لي في المقدمة. قال وطعن برمح ورمية بسهم وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. Il a montré خالد بن الوليد avec tout ce qui lui est arrivé. هل الآن des années après il meurt à la firache. قدر الله. ربما صحابي il rentre dans l'islam, sa première ghazwa, il meurt. بل الصحابي المعروف, on a vu le hadith il y a pas longtemps sur Sahih al-Bukhari, anna il est venu عند النبي عليه الصلاة والسلام et il lui a dit ya Rasulullah, aslim ou qatil. Il voulait se convertir. Il a demandé au prophète, est-ce que je rentre dans l'islam en premier ou je combat? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, rentre dans l'islam et combat. Fa aslama wa qatala thumma qutila. Il a pas fait d'amal. Il est rentré dans l'islam, il est rentré dans le combat, il est mort. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré, il a fait peu d'amal et il a un ajr azim inda Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fadlullah, il le donne à qui? Khalid bin al-Walid. Il a fait des dizaines de ghazawat. 80 blessures, il meurt à la firash. Hakada la personne, ça c'est fadlullah. Ça c'est fadlullah, il le donne à qui il veut. Et l'essentiel c'est à la khayr. L'an Khalid il est mort à la khayr. Un sahabi jalil, il a combattu. Et toutes ses blessures, il trouvera l'ajr indallah. Alors, tout ça, Cheikh l'Islam, il nous le montre l'an pour montrer à la fuite, ça va pas t'éviter la mort. Abedal. قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. هذا كذلك من أقوال المنافقين. Ils ont des أقوال حقيقة sont شديدة في أيام الفتن. Et dès que ça, la chose elle devient difficile, ils ont des أقوال نعوذ بالله منها. Cheikh l'Islam il va en citer quelques-unes. قال فوصف المثبطين عن الجهاد. المثبط c'est une personne qui encourage pas, ben il décourage tout le monde, il démoralise. كحل المنافقين. قال وهم صنفان بأنهم إما أن يكونوا في بلد الغزاة أو في غيره. T'as deux cas. إما هؤلاء ils sont d'Akhil Sop, maintenant ils sont avec toi dans l'endroit où il y a les combats, ou ils sont à l'extérieur. Enfin, Robama, il te fait du mal de l'intérieur ou il te fait du mal de l'extérieur. Hada, c'est ma'rouf. Hada, c'est ma'rouf. Ça peut être une personne de l'extérieur, il veut t'effrayer, il veut que tu t'abandonnes, tu fuis. Ça peut être une personne où l'ayadu billah, il est amarad et il est à l'intérieur. Qala, fa in kanu fihi. Aïe, ma'a al-jayj. Qala, awakouhum an al-jihad bil qawl, ou bil amal, ou bihima. Imma, il démoralise qawl, il dit une parole, ou amal. La personne il fait attention au vimit l'adilum. Une kalima, rubbama, la tazbutha, tu fais pas attention, rubbama, tu décourages des frères. La personne, il yadbut l'isan. Et moins il parle, mieux c'est. Katarat le kalam, ça pousse à faire des erreurs. Qala wa in kanu fi ghayrihi, rasaluhum, au katabuhum, li an yakhruju ilayhim min balad al-ghuzal, yakunu ma'ahum bil husoun, au bil bu'd, taqaddam. Ils essayent de décourager Al-Muqatilin, hatta ils les rejoignent. Venez dans cet endroit, c'est plus sûr, on n'y arrivera pas, ils sont trop. Min hadha al-kalam. Qala kama jara fi hadhihi al-ghuza, fa inna aqwaman fi al-askar wal madina wa ghayrihim saru yu'awiqun man arada al-ghazwa wa aqwaman bu'ithu min al-ma'aqil wal husun wa ghayriha ila ikhwanihim. Wallahi, tu le vis même là. Même là. Ils sont motivés, ils veulent aider leurs frères. Tu trouves Al-Makhadil, ils ont un kalam, sallallahu alayhi wa sallam. Ils les découragent, tamamen. Vous n'y arriverez pas, le nord, il n'y a que des chiites, la région, elle a eux, c'est du suicide. Ah, mais là, le kalam, tu l'entends. Tu l'entends. Alors que les ikhwan, ils sont prêts, ils veulent aider. Tu trouves un va'if. Va'if al-nafs, qalil al-ilm, il a un iman, il n'est pas qawi. Rubbama, il dit sahih et il délaisse. Tout ça sur le dos de qui? Makhadi. Hakada à l'époque sur l'islam. Hakada à l'époque du prophète ma'al munafiqin. Hakada à notre époque ma'a ba'd al-nas. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala azza wa jal, fa'idha dhahab al-khawf, salakoukum bi al-silat al-hidad. Thumma, amr al-shidda. On a lu le jeûne, la peur qu'ils ont, et ils prennent la fuite. Dès que la peur revient, ils ont des al-sina hidad, comme a dit Azza wa Jal. Fa'idha dhahab al-khawf, salakoukum bi al-sina hidad. Quand la guerre elle passe, la fitna elle passe, khalas, ça commence les critiques. Ala al-mu'minin, ceux qui ont combattu, lillahi Azza wa Jal. Hakada l'histoire elle se répète. Fala, la tata'adjab min qawl ba'd al-makhadil al-an. La tata'adjab. Sunnat Allah. Allah il éprouve ibadahu al-mu'minin biha'ula. شيخ الإسلام تارة يقولون الآن بعد الإكزامبل أقوال تارة يقولون أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هنا والثبات هذا الثغر إلى هذا الوقت. Ils vont dire c'est de votre faute, c'est vous qui nous avez dit de venir. Là, je voulais pas venir, c'est toi qui m'as dit viens. C'est toi qui m'as dit viens dans cet endroit, tout m'a eu la guerre et il s'est passé. Là, il est marié dans le coup. Là, il est marié. T'es venu, c'est bi qadar Allah عز وجل, احمد الله, t'es dans une ni'ma. قال وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا. شوف والعياذ بالله. Si on avait voyagé avant, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. نعوذ بالله. Jihad في سبيل الله et دفاع عن الدين والأنفس, il considère ça comme un mal. هو. Alors que c'est un khair, tu défends ton din. قال وتارة يقولون أي بعض الناس أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا العدو وقد غركم دينكم. بعض الناس هكذا. Vous êtes peu, vous êtes entouré et vous voulez avoir la victoire. نعم. ما c'est pas بعيد. الله اللي على كل شيء قدير. تسمعوا dans ces ayats, t'entends bien هذا الكلام. Vous êtes au nord, il n'y a que des chiites, vous êtes entouré, c'est du suicide. Comment vous allez faire? Revois ta aqida et revois ton cœur. أما هذا الكلام c'est un كلام باطل. خاصة أن تأبخمي. ماذا ستفعل؟ تدعو فيلاج تطلب العلم. Et بعض الناس يتعتك. ماذا ستفعل؟ Je vais attendre les jours. Je vais tourner le dos. نعوذ بالله. لكن لا الدفع يا الله سبحانه وتعالى يمد له بركة. وتارة يقولون بعض الناس يقولون كذلك أنتم مجانين لا عقل لكم تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم. هكذا يقولون أنتم vous êtes des مجانين, vous avez perdu la raison. Comment tu vas avoir le dessus et ils sont tant, ils ont tant, ils ont telle arme, ils se sont rassemblés, vous avez plus de nourriture, vous êtes en blocus, vous êtes des مجانين أبدا. والله هؤلاء c'est des متوكلون على الله. Ils ont un iman قوي. Et ils arrivent à faire ce que certaines personnes n'arrivent pas à faire. Hada. Wal kalam min ba'id, c'est sahl. Ba'd an-nas il est ba'id. Rabbama il est fait amn. Il ne vit pas les choses que tu vis en ta. Et il y a ta kalam avec des choses qu'il ne comprend pas. Et demain, baqiya al-khatima wa shay min an-nasa'ih. On finit demain. Subhanak Allah.